l'image t'éteint sur le bord de mes yeux et fixe mon regard au-delà du temps. Et comme rien ne tient dans un cœur malheureux, tout s'éloigne de ma main qui se tend. Ton esprit s'écoule en des vers de mes songes, ma mémoire retient des idées sordides. Je te sers de plus près, je colle à ton ombre et me nourris de souvenirs qui me vident. Ton fantôme se tient dans le fond de mes yeux et fige mon regard au-delà du vent. Et si tu m'éteins dans mon cœur malheureux, j'en pars de ta main qui se tend.